De l'huile dans les rouages sur Fadjet. La chronique qui va t'aider à mieux communiquer avec toi et les autres, c'est De l'huile dans les rouages et c'est présenté par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Tu nous parles depuis quelques temps maintenant des émotions, on continue avec ces émotions. Ouais, super important de parler des émotions et de plein d'aspects. Alors les émotions, elles peuvent être très fortes des fois. Alors est-ce qu'il y a des outils, quelles infos pour ne pas justement se laisser dominer et dépasser par ces émotions? Voilà, jusqu'à présent on a parlé du fait de l'importance de les accueillir et de ne pas les étouffer. Mais il ne faut pas non plus les nourrir parce qu'elles ne doivent pas prendre les rênes de notre comportement non plus. Donc quand il y a une émotion très très forte, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le cerveau, il y a un afflux de sang dans la zone émotionnelle. Et du coup, il n'y est plus dans les autres zones. Donc, la partie rationnelle, elle ne peut pas fonctionner. Donc, l'idée, c'est d'aider le cerveau à se rééquilibrer pour pouvoir penser, pouvoir faire des choix en fonction de ses émotions. Donc, ce que je vous propose déjà, quand vous sentez qu'une émotion monte, c'est d'essayer de vous extraire du lieu qui stimule cette émotion ou de vous isoler ou de différer. C'est-à-dire, vous avez une conversation qui commence à monter. N'hésitez pas à dire, écoute, là, ce n'est pas possible pour moi qu'on en parle, mais je te promets qu'on va en parler. On se donne rendez-vous demain ou ce soir ou je te redonne un petit coup de fil, on s'arrange, mais là maintenant c'est pas le moment. Il faut vraiment sentir que c'est pas le lieu ou le moment parce qu'on n'est pas en état en fait. Et tout de suite ça marche, tout de suite ça redescend. Alors déjà ça a coupé la dynamique, hein. Donc ça va arrêter de faire monter et puis après on peut, là où on s'est extrait, là où on s'est isolé, accompagner son corps et son cerveau pour aider à faire redescendre. Ce qu'on peut faire aussi, une fois qu'on s'est extrait, c'est respirer. Ça a l'air tout bête. C'est tout bête, hein. Mais la respiration, c'est tellement important. Alors, il y a beaucoup de techniques. Moi, déjà, si vous arrivez à ralentir votre expiration, la faire durer le plus longtemps possible, vous allez aider à votre cœur à ralentir aussi. Il y a des applis de cohérence cardiaque aussi qui sont géniales pour aider à ça, pour vous guider. Donc, je ne vais pas vous donner des techniques hyper pointues de yoga, etc., mais juste respirer, souffler. Et si la pression est trop forte, on peut se mettre à crier d'un coup, alors, comme ça. Oui, ou... alors il faut que ce soit dans un endroit acceptable, hein, voilà, en forêt, etc. Hein. L'idée, c'est pas de crier sur les gens, mais voilà, dans un coussin, etc. C'est-à-dire que l'émotion, elle gagne à sortir. On a dit que c'était un mouvement qui va vers l'extérieur. Donc, laissez sortir ce mouvement, parce que plus vous allez le contenir, plus ça va prendre de la place. Donc, vous pouvez crier, vous pouvez bouger, danser sur une musique forte, vous pouvez vous ébrouer ou faire comme si vous aviez un chewing-gum qui est collé à vos pieds et à vos mains et laisser sortir, ou comme si vous aviez de l'eau un peu partout, vous êtes un chien qui sort de l'eau et vous vous secouez. Il faut laisser sortir, en fait, dans un premier temps, ce trop-plein d'énergie. Et une fois que ce trop-plein d'énergie, il y a d'autres aussi techniques plus calmes, peut-être aussi. Oui, alors, phase 2, c'est de se recentrer. Ouais. Et pour ça, bah, on utilise ses sens. Donc, on avait vu la respiration, c'est une façon de se recentrer aussi. Et il y a la notion d'ancrage, c'est-à-dire sentir qu'on est ici et maintenant. Parce qu'en fait, l'émotion nous sort de nous, il faut retourner à l'intérieur. Donc, on utilise ses pieds en s'imaginant qu'on a des racines qui poussent au sol, qu'on est un arbre ou alors qu'on est une grosse pierre. On utilise les autres sensations, la vue. On ne bouge pas et on se dit dans sa tête 5 choses qu'on voit dans son champ visuel. Ou on se concentre sur son audition. Qu'est-ce que j'entends? Quelles sont les odeurs que je sens? Ou les goûts que j'ai dans la bouche, où je peux manger quelque chose en conscience, c'est-à-dire très lentement, je suis vigilante à la texture, au sucré salé, etc. Et là, vous allez aider votre corps à se rassembler, en fait. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, et vous pouvez aussi nommer les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites « je suis en colère, je suis fâchée », etc., là, il faut déjà que ce soit un petit peu descendu, hein, pour réussir à trouver les mots. Il ne faut pas que ce soit le niveau max. Hein. Ouais. Mais déjà là, ça fait redescendre. Quand j'étais maîtresse d'école, un enfant est venu me voir dans la cour et il m'a dit « oh maîtresse, il n'a pas respecté les règles du jeu, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait ». Et j'ai dit « es-tu en colère ?» Il m'a dit « oui ». Et puis il est reparti. Et j'ai pas eu besoin à gérer plus. Et en fait, quand on sait dire à quelqu'un « est-ce que t'es en colère ?» et qu'on arrive à l'aider à trouver, ça redescend bien. Donc ça apprend à maîtriser. Tu nous faisais l'image dans une chronique précédente du surf, ouais, sur une vague. C'est ça, apprenez à surfer sur vos émotions, ne les étouffez pas, ne les nourrissez pas, laissez-les vous traverser comme un nuage. Très belle image. Merci Noémie. Merci Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.